Matthieu chapitre 6 ce matin. On est en train ensemble de regarder le sermon sur la montagne. Depuis déjà plus qu'un mois, c'est notre cinquième étude sur le sermon sur la montagne. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête et qu'on juste penser une petite minute. Vous souvenez-vous pourquoi est-ce que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu? C'est quoi son but? Pourquoi il l'a fait? Quand il y en avait déjà trois d'écrits, ou peut-être deux, on va dire deux d'écrits, certains. Pour montrer que le royaume de Dieu est arrivé, pas tout à fait ça, ça ressemble, ça, mais pas tout à fait. Voilà, il va établir le royaume, mais il veut démontrer aux Juifs, parce que ça a été écrit à des Juifs, hein, il veut démontrer aux Juifs que Jésus est le Messie qu'ils attendaient, qui est le roi qui devait venir, le successeur de David, ce roi éternel qui devait venir. Ce roi qui devait s'asseoir sur le trône de David et régner éternellement, sans jamais avoir une fin à son règne. Et pour faire cela, environ 25 fois dans l'évangile de Matthieu, il va dire « Ainsi s'accomplissent les prophéties. » Là, il va nommer d'Isaïe, de Jérémie, ou les psaumes. Il va dire « Ainsi s'accomplissent les Écritures. » Si Jésus a fait ces 25 fois-là, ben il dit « Ça pourrait bien être lui, n'est-ce pas? Ça devrait être lui. Qui peut dire j'ai accompli 25 prophéties ou plus? » Donc, pour ceux qui vont répéter à partir du chapitre 1, ainsi s'accomplit, ainsi s'accomplit, ainsi s'accomplit, on va voir ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et on va voir dans le sermon sur la montagne, on a vu la semaine passée, « Je suis venu non pas pour abolir la loi, mais... » l'accomplir. Et vous, il va dire quoi? Je suis venu accomplir la loi. Pas l'abolir. Je ne suis pas venu changer. Je ne suis pas venu transformer ou adapter la loi à l'être humain. Je suis venu accomplir la loi. La loi disait quoi? Si tu pèches, tu meurs. Et je suis venu accomplir cette loi-là. Je l'ai accomplie parfaitement dans toutes ces lois, mais aussi je vais accomplir cette loi-là pour vous. Afin que vous puissiez être sauvés. Et on va voir, dans les semaines qui vont venir, on va voir chapitre 8 jusqu'à 10, où est-ce qu'il va avoir toute cette série sur les miracles. Et il va dire, « Ainsi s'accomplit ce qu'Ésaïe avait fait, il s'est chargé de nos maladies. » Pendant trois chapitres, il va parler de miracles, juste pour montrer que Jésus est celui qui avait été prophétisé, qui était pour se charger des maladies du peuple. C'est vraiment bien fait, cet évangile-là, pour nous prouver, nous démontrer que Jésus, c'est vraiment, lui, le Messie que les Juifs attendaient, qu'ils ne doivent pas en attendre un autre. Malheureusement, vous savez comme moi, que les Juifs, encore aujourd'hui, attendent le Messie. Les vrais Juifs, les Juifs orthodoxes, dans 90%, je dirais, des Juifs, 99% des Juifs, attendent encore le Messie qui va venir les sauver. Et c'est malheureux. Parce que quand il va venir, il ne viendra pas pour sauver, il va venir pour condamner, pour juger, pour amener la fin des temps. Et là, dans ce sermon sur la montagne, on a commencé à voir cet édit du roi. Vu qu'il est le roi, il doit proclamer comment ça va fonctionner dans son royaume. Comment il était très généreux, très aimable de dire au peuple, « Voici comment ça va se passer. » Dans ce royaume-là, voulez-vous y rentrer? Voulez-vous y rentrer? C'est ça qu'il va dire à tout le champ, réfléchissez bien. Et dire, regardez bien. On va voir un peu plus loin. Soyez pas un insensé qui commence à bâtir la maison et qui arrête. Réfléchissez le prix. Calculez le prix que ça coûte pour me suivre. Prenez pas une décision à la légère. Et je connais, vous connaissez peut-être, des centaines de gens qui ont pris des décisions à la légère pour Christ et qui ont tout reparti avec les années. Parce qu'ils avaient pris une décision à la légère, ils n'ont pas calculé le prix, ils n'ont pas compté le prix, ils n'ont pas saisi avant de dire oui, à quoi ils disaient oui vraiment. Et là, ils sont tous déçus, ils sont tous déboussolés. Mon garçon, il m'a écrit une petite lettre, il n'y a pas tellement longtemps, sur Internet, Puis il me dit, papa, je viens d'écouter un de tes sermons qui dit, il faut toujours dire oui au Seigneur. Il faut toujours dire oui au Seigneur. Peu importe ce que j'ai compris au début. Je ne peux pas tout comprendre à 100%, c'est bien vrai. Mais aussitôt que je le comprends, aussitôt que le Dieu me le montre, cet esprit me le fait comprendre, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Et le jour où je vais dire non, j'ai un problème, j'ai un sérieux problème. Je ne dis pas à chaque... Quand je dis que je tombe dans le péché, c'est pas ça que je parle. Quand Dieu dit quelque chose, et moi je dis non, c'est pas vrai ça. Là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je mets en doute ce que Dieu dit est vrai. Donc, si il ment là, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas menti avant aussi? Là, je mets tout en doute ce qu'il a dit, parce que si c'est un menteur, il ne peut pas me sauver. Hein? Un menteur ne peut pas sauver un autre menteur. C'est, il ne peut pas faire ça. Donc, Jésus va donner ces lois-là. Il va... Jésus, ce que je mets de lui quand je lis les évangiles dans les premiers temps de ma vie chrétienne, c'est qu'il dit la réalité, il dit la vérité aux gens. Et moi, je trouve aujourd'hui, personnellement, je trouve que l'évangile qui est proclamé, c'est un évangile cheap. Cheap. Accepte Jésus, tout va aller bien. Accepte Jésus, tu vas aller au ciel. Accepte Jésus, tu vas être healthy and wealthy. Accepte Jésus, ça va bien. Accepte Jésus, ça va. Dieu va régler tous tes problèmes. C'est pas vrai. C'est pas de même que ça marche. Il faut faire attention à ça. Jésus a prêché, puis il a prêché un évangile qui était un évangile engageant. Engageant pour celui qui disait oui. Et c'était vraiment demandant. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils suivaient Jésus, qui, quand Jésus disait, voici ce que vous devez faire, ils viraient de bord, puis ils s'en allaient. Ils s'en allaient, ils ne voulaient pas accepter ça. Quand Jésus va leur dire, vous devez mourir à vous-même, vous devez porter votre croix. Wow, on a une gang qui va partir. On n'en veut pas de ça. Nous, on veut que tu fasses du pain. On veut que tu fasses des miracles, on veut que tu nous guérisses. Ouais, tu dois mourir. Non, je ne veux pas mourir. C'est, nous, on n'entend pas ça aujourd'hui dans les prédications de l'Évangile. On entend, accepte Jésus dans ta vie, tu vas aller au ciel. Hein, attention, attention. Disons toute l'histoire, afin que quand les gens vont dire oui, ils vont dire oui à quelque chose qu'ils comprennent, ils savent de quoi vous dites. Hein. Et c'est mieux de prendre quelques semaines de plus, quelques mois de plus avec la personne, et quelqu'un qui va dire oui, qui va comprendre, qui va dire oui, c'est ça que je veux. Je me souviens d'un homme qui avait, à un moment donné, je me suis aperçu que, une vingtaine d'années en arrière, peut-être au moins, je prêchais l'Évangile, je disais, je m'étais aperçu que je prêchais, je voulais tellement les gens se convertissent que je disais juste le plus beau. Je voulais toujours le plus beau de l'Évangile. Et à un moment donné, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah non, il faut que je fasse plus ça. Puis malheureusement, le gars qui est arrivé le premier, quand j'ai commencé à faire le contraire, lui, mais je l'ai mis rough and tough. Chaque fois qu'il venait chez nous, il disait, t'es sûr, t'as compris, là, je vais te le dire comme faut, encore une autre fois, les gens m'étaient, tu repentis comme faut, là, t'es sûr, tu veux servir Dieu, là, t'es sûr, tu vas abandonner tout, t'es sûr, oui, oui, François, oui, oui, oui. Il revenait la semaine dernière, puis j'en remettais encore, j'ai dit, tu vas être sûr qu'il va comprendre. Il est encore là aujourd'hui, il fonctionne à la planche. Il comprenait bien ce que j'avais dit. Tu sais, j'ai dit, Seigneur, non, ce qu'il met, c'est sérieux, là. C'est sérieux ce qu'il dit. Mais peut-être que je m'avais mis un petit peu trop, ce coup-là. Parce que là, j'avais été comme à l'autre extrême. Mais je suis bien content, à chaque fois que je le vois, on se rappelle de ces souvenirs-là, ensemble. Dans le royaume, il dit, heureux ceux qui vont être bénis. Ceux qui vont être bénis, ce n'est pas les performants, c'est les humbles. Les humbles de cœur, ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui ont un cœur pur, ceux qui sont humbles. C'est eux autres qui vont être bénis. Ce n'est pas les performants. Ensuite, il a dit, heureux ceux qui, dans le royaume, il y a une nouvelle raison de vivre. Si tu veux entrer dans le royaume, il faut que tu décides de vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas décider de, je vais rentrer dans le royaume de Dieu, puis Dieu va me prendre soin de moi. Je rentre dans le royaume pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Il a dit une nouvelle façon d'interpréter la loi. Les Juifs avaient baissé les standards de la loi. Ils avaient mis ça à leur niveau pour être capables de le faire et se sentir bien. Se sentir bien. Beaucoup de gens qui pratiquent une religion se sentent bien dans leur religion parce qu'ils pratiquent la religion qu'ils font, puis ils se croient qu'ils sont corrects. Jésus a dit non, non, non, non. Les standards de Dieu, c'est la perfection. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Il ne demande jamais moins que ça. Jamais moins que ça. Il ne va jamais se satisfaire de moins que ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas offrir, nous, ce que nous faisons à Dieu Parce que c'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Il y a toujours un peu de cochonnerie là-dedans, il y a toujours un peu d'orgueil qui traîne en arrière, où on s'en vante, où on fait quelque chose, où on le fait un petit peu pour être vu. Il y a toujours un petit peu de péché en nous, dans ce sens-là. Mais Dieu ne nous demande pas qu'on lui offre quelque chose. Et vu qu'on reçoive ce qu'il nous a offert, la vie éternelle, et vu qu'il nous reçoive son sacrifice à lui qui est parfait. Donc, ce que nous, on offre à Dieu, on offre le sacrifice de Jésus qui, lui, était parfait. Et là, il nous accepte, hein, dans ce sens-là. Ensuite, ça, il y a une nouvelle façon de pratiquer la loi. C'est une façon de... On ne le fait plus pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Disons, dans le royaume, tu ne donnes pas des offrandes pour être vu, tu ne pries pas pour être vu des hommes, tu ne jeûnes pas pour être vu des hommes, tu fais ça pour être vu de Dieu. Tu fais ça dans le secret. Il faut faire attention, hein. Il ne faut pas penser que ta main gauche... Si ta main gauche ne sait plus ce que ta main droite fait, là, attention, parce que là, je pense que tu as un problème ici entre les deux. Là. Hein? Essayez de faire quelque chose avec votre main gauche que votre main droite ne sait pas. C'est pas impossible. C'est un dicton. On appelle ça un dicton. C'est une façon de parler. C'est tellement secret que ta main gauche ne sait pas. C'est une façon de parler. Il ne faut pas me mettre ça à la lettre. Il ne faut pas penser à la lettre. C'est un dicton. Il ne faut pas penser que maintenant, j'ai déjà un chrétien qui est venu me voir, puis François, dis-moi, je ne prie pas avec vous autres, jamais, à l'église. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est marqué dans la Bible, entre dans ta chambre quand tu veux prier. Donc, je ne prie pas en public, jamais avec vous autres. Puis du tout non plus, tu ne devrais pas prier en public. Donc là, j'ai été obligé de lui montrer des passages où est-ce que Jésus a prié en public, où est-ce que les apôtres ont prié en public, où est-ce que Paul se met à genoux sur une plage avec les chrétiens, puis il prie là. Qu'est-ce que tu fais avec ceux-là, là? Ah, je ne les avais pas vus. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand tu pries, c'est que tu te fermes toi-même auprès de Dieu et tu t'adresses à Dieu, tu oublies les gens autour de toi. Tu ne le fais pas pour que les gens t'entendent ou te voient ou soient épatés par ce que tu fais, mais tu le fais pour que moi je t'entende. Donc, dans le nom de Dieu, c'est comme ça qu'on va agir. On va agir non pas pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Ce matin, au verset 19 du chapitre 6, on va voir une autre chose qui, il va dire que dans le royaume des cieux, quand on veut y rentrer, on rentre là et on ne s'inquiète plus. On ne s'inquiète plus. Combien j'ai vu de chrétiens, et moi le premier, se tourmenter dans la vie parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète. Je ne sais pas si vous êtes des gens qui s'inquiètent pour l'avenir. Je ne sais pas si vous avez ce tempérament-là inquiet. Quand vous avez un problème, une difficulté là, qui s'en vient, ça vous empêche presque de dormir. On est inquiet. L'être humain est de nature inquiète. Il est inquiet, de par nature. Par nature, il est comme ça. Et savez-vous qu'est-ce qui a causé ça? Ce n'est pas vos parents. Ce n'est pas à cause que votre mère est inquiète. C'est le péché qui fait ça. Le péché nous a rendus inquiètes dans notre relation avec Dieu et dans le monde. On est inquiet. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. On a peur. On voit tout le mal qui est en train de nous autres. On voit la mort qui est devant nous autres. Et là même, en plus, la religion nous amenait de s'inquiéter religieusement ou spirituellement parce qu'on n'était pas capable d'atteindre les standards qu'il nous donnait. On s'inquiétait là de mourir et que Dieu ne nous accepte pas. Fait la religion, ça alimente l'inquiétude au lieu de la calmer. On n'est jamais sûr qu'on a fait assez. Je me souviens toujours quand j'étais à Amos à un moment donné, j'allais voir un malade à l'hôpital. Quelqu'un m'avait demandé d'aller voir un malade qui était mourant, non-croyant. Et on a parlé ensemble et il dit, j'ai assez peur de mourir. Pourquoi vous avez tellement peur de mourir? Ben, il dit, je ne pense pas que je n'ai assez fait. Je t'inquiète, je ne pense pas que je n'ai assez fait. Voyez-vous comment que les gens sont? Ils naissent inquiets puis ils meurent dans l'inquiétude. J'en ai peut-être pas assez fait. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais Jésus dit ici à la foule qui est là, puis à ses disciples, dans le royaume des cieux, on rentre et on ne s'inquiète plus. On ne s'inquiète plus dans le royaume des cieux. Parce que l'inquiétude, c'est pas ça comme moi, mais l'inquiétude, ça, ça, ça paralyse l'inquiétude. Ça l'empêche de fonctionner, l'inquiétude. Il dit dans le verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne rouille, détruisent ou les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent point et ne dérobent. » L'inquiétude se manifeste par le fait que l'homme veut amasser. L'être humain veut amasser. Il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez. Et des fois, je me demande ça. Pourquoi est-ce que les gens amassent tellement quand ils meurent, ils en laissent un paquet? À tout le monde alentour, ils savent. Ils en ont tellement ramassé qu'ils vont en laisser un peu partout alentour des autres. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils aiment leurs enfants? Pas sûr. Pas sûr. Pourquoi les gens veulent tellement. Proverbe dit quelque chose là-dessus. Proverbe dit: pauvre insensé, à qui tu laisses ton argent? Le gars qui va ramasser, là, il va faire probablement le contraire de ce que tu voulais qu'il fasse avec cet argent-là. T'es bien niaiseux. Pourquoi on s'en ramasse? Attention, je ne suis pas en train de parler ce matin qu'il n'est pas intelligent de prévoir pour notre vie ce qu'on va vivre. Si tu as un paiement à faire à la fin du mois, mon gars, tu es sage de prévoir que tu vas avoir un paiement à faire. Hein? C'est intelligent, ça. C'est intelligent. Il n'est pas en train de dire, prends ta paye, donne-la à l'offrande, puis là, prie que le Seigneur pourvoie pour ton loyer. Là, il va dire, il va t'appeler stupide. Tu n'appelleras pas intelligent ou sage, t'appeler stupide. Mais c'est, ce qu'il parle ici, c'est l'amasser plus loin que tu en as besoin. Il y en a qui amassent des fortunes épouvantables. Plutôt de pouvoir faire du bien avec ça, il l'amasse, il l'amasse. Et le gars qui va prendre ça, ou le succès, l'héritier va prendre ça, puis il va peut-être faire tout le mal avec que toi, tu ne voulais pas qu'il fasse ça. Tu n'aurais pas voulu qu'il fasse ça. Donc, c'était peut-être mieux d'utiliser toi-même pour faire le bien, c'est ça que tu veux faire. Moi, j'ai averti mes enfants. Quand je vais mourir, vous n'aurez rien, rien, rien. J'ai dit, vous n'aurez rien, rien, rien. J'ai tout prévu ce que ça va s'en aller. Parce qu'ils sont déjà plus riches que moi, dans anyway. Pourquoi t'en en laisser en arrière? Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser, je ne suis pas contre les héritages, je ne pense pas que vous entendez vous dire, mais je pense pas. Mais c'est d'essayer de penser, pourquoi est-ce que j'accumule tant? Au-delà de ce que je... Des fois, on va dire ça, même s'il y a une autre vie, ne dépensez pas l'argent qu'il y a. Vous avez déjà entendu dire ça. Hein? Donc, pourquoi en avoir tant? Pourquoi en avoir tant? C'est bon d'être sage, d'être prudent, d'être intelligent. Mais ce qui met en question, c'est est-ce que ça reflèterait par hasard de l'inquiétude? De l'inquiétude. Je me souviens, mon père, on disait à nos parents, nous autres, quand on était plus jeunes, on était adolescents à peu près, ou jeunes adultes, on disait, papa, maman, dépensez votre argent. Faites de quoi avec votre argent? Allez vous promener, achetez-vous quelque chose. Faites de quoi? On n'avait pas votre argent, dépensez-le. Vous avez travaillé tellement fort, utilisez-le. Mon père disait, ah, on ne sait jamais quand il peut y avoir une autre crise. Voyez-vous l'inquiétude qu'il y avait? Quoi qu'il arriverait quelque chose d'autre? Mais j'ai payé ma facture avec ça. Parce qu'il ne l'a pas dépensé. Il l'a pas, il avait trop peur. Trop peur que quelque chose arrive au-delà. Il était trop inquiet. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Parce que si vous inquiétez, lorsque, au verset 21, voici ce que ça fait. On va revenir au verset 20 après tout à l'heure. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est là que, c'est là que Jésus nous parle. Il dit, si ton trésor est à telle place, ton cœur va être à telle place. C'est là que tes pensées vont être là. Ton cœur va être là. Parce que ça va t'attirer dans cette direction-là. C'est pas que Jésus veut pas qu'on ait une vie d'abondance ou qu'on soit bien dans la vie, qu'on ait une bonne maison, qu'on fonctionne bien, qu'on est capable d'aller se prendre une vacance. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, si tu t'amasses des trésors à un point tel que c'est un reflet d'inquiétude, il dit, ton cœur va être là et tu vas toujours te tracasser de ça. Je me souviens un jour, un nommé John MacArthur, il y avait un chrétien dans l'église qui avait des parts, des actions là, à la bourse. Puis ça le fatiguait tellement, ces parts-là, il était toujours en train de vérifier ça, puis il était toujours en train de, vas-tu faire de l'argent cette semaine, vas-tu faire de l'argent cette semaine, puis il se posait toujours la question, j'en ai perdu, mais il était tellement écœuré, le chrétien, il a pris toutes ses parts, puis il est allé donner ça à John MacArthur, le pasteur. Je te donne, Moi, je ne veux plus rien savoir. Je suis écœuré de penser à ça tout le temps. Je ne veux plus rien savoir de ça. Jean m'a regardé. Pourquoi moi, là? Oh, dis-moi, je vais être capable de vivre avec ça. Fait qu'il m'a lui, il fait ça. Puis il dit, quelques temps après, je me suis ramassé le nez dans le journal en train de regarder, moi aussi, que si ça montait ou ça ne montait pas. Lui, il dit, mon cœur était rendu dans le journal. Je perds-tu, je gagne-tu, je perds-tu. Il se préoccupait avec ça. Fait que lui, il a tout vendu. Et puis l'argent a fait autre chose avec. C'est pas mal d'avoir. Ce que Jésus veut qu'on nous éviter, c'est qu'on soit préoccupé par ça, qu'on s'inquiète de ça, puis que notre cœur soit attaché à ça, au lieu d'attacher à d'autres choses, de plus important. Il dit au verset 22, quand on est inquiète, il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande ces ténèbres? Donc il dit, l'inquiétude, ça l'aveugle. Ça nous fait vivre dans les ténèbres. Le fait de vouloir s'amasser des trésors, il dit, ça vous aveugle spirituellement. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche? Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, l'histoire-là. Qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme riche? Jésus a dit, viens, suis-moi, suis-moi. Lui, il avait une belle question. C'était quoi la question du jeune homme riche? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Belle question, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un vous arrête sur la rue un matin? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, François? On dit, on serait content. Hein, ça va rire comme des papes, on dirait, yes! Il a posé la bonne question. Jésus était un homme qui se souciait spirituellement. Et Jésus a dit quoi? Va vendre tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres, mets-t'en sur. Parce que si tu gardes tout ce que tu as, tu ne me suivras pas. Tu vas être préoccupé par ces affaires-là. Va vendre ça, donne ça, puis viens, suis-moi, et je vais te donner la vie éternelle. Mais on sait qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a viré de bord, il est parti, il a gardé toutes ses richesses. Et il a resté dans les ténèbres. Il est resté dans les ténèbres à la place. Il est resté dans la noirceur. Il n'a jamais vu la lumière, jamais vu la vérité. Il a préféré ses trésors, son immense richesse, parce que la Bible nous dit qu'il était fort riche, à la vie éternelle. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, d'une autre façon, avec d'autres mots. Il dit, si tu préoccupes des choses de la terre, est-ce que tu veux t'accumuler des trésors ici-bas, tu ne te préoccuperas pas des bonnes choses, et tu vas rester dans les ténèbres, tout simplement. Et au verset 24, il dit, tu vas devenir esclave. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra un, il aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, on a un choix, hein? On a un choix ici d'être l'esclave de quelqu'un. On doit choisir de qui on veut être l'esclave, de Dieu ou de maman. Il dit, si tu te préoccupes, si tu veux t'amasser des trésors sur la terre, il dit, tu vas devenir l'esclave de maman. Vous savez, c'est qui maman? C'était le Dieu des richesses. Donc, il dit, tu vas devenir l'esclave. Puis, je vous dis personnellement, je crois que, en tout cas, personnellement, pour moi, François Nollet, avant d'être chrétien, mon Dieu, c'était maman. Je vous le dis, je l'ai déjà dit dans mon témoignage, on ne m'appelait pas signe de pièce pour rien. C'était mon Dieu. Je ne vivais que par ça, que par lui. Je me levais le matin, la première chose que je pensais, c'était, qu'est-ce que je peux faire pour faire de l'argent? Je me couchais le soir, puis je comptais ce que j'avais fait. C'était ça, ma raison de vivre. Et je trouvais toutes sortes de manières pour frauder, pour cacher, pour mentir, pour voler, pour en avoir toujours plus. Toujours plus. Et ça m'a détruit la vie, c'était pas vrai. Ça a détruit mes relations. Quand on dit, lorsqu'on dit ça, en affaires, il n'y a pas d'amis, quelque chose de même, hein? Je n'avais pas d'amis. J'ai arrivé à 22 ans, je n'avais pas d'amis. J'ai tout perdu à cause de l'argent. L'argent, c'est le Dieu de ce siècle. On le sait, ça. C'est le Dieu de ce siècle. Et Jésus dit ici, dans le royaume, il faut faire, tu prends une décision. Soit tu vas abandonner ce Dieu-là, et tu vas prendre Dieu comme ton Dieu, ta raison d'être, et non pas de cette façon-là. Parce qu'il dit que l'inquiétude se manifeste comme cela. Et je crois que c'est vrai. Je crois que la Bible dit, c'est vrai, c'est certain. Et il va dire à partir du verset 25 que l'inquiétude qu'on a dans la vie, ne change rien. Même si tu t'inquiéteras gros comme le mont Everest, la montagne de l'Everest, ça ne changera absolument rien dans ta vie. Ça n'a aucun pouvoir dans ta vie. Acceptez de te perdre, de te condamner. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne massent ni rien dans les greniers. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée? Savez-vous comment c'est grand, une coudée? C'est une coudée. Du bout des doigts, elle est ici. C'est une coudée, c'est-à-dire à peu près 18 pouces. Dépendamment comment vous êtes grand, là, c'est peut-être 20 pouces. Mais elle avait l'air de ça, une coudée. Il dit, tu ne peux pas ajouter une coudée. Voilà, nous autres, on dirait une journée, hein, une heure, une seconde à ta vie. Tu ne peux pas rien faire avec ça. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas du vêtement. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas passé des comptés, absolument, j'aime bien compter ces choses-là, qui dit « ne vous inquiétez pas ». Plusieurs fois, hein, il le dit dans ses 16 versets. Il dit à plusieurs, ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puis il dit lui-même aussi que l'inquiétude est un manque de foi envers Dieu. Il dit, j'ense de peu de foi envers Dieu. L'inquiétude, c'est une manifestation d'un manque de foi. Et des fois, dans notre vie, même en tant que chrétien, on prend des décisions qui manifestent notre inquiétude et on pêche. On pêche devant Dieu. Dieu dit, tu manques de foi envers moi. Fais attention ici. Jésus n'est pas en train de dire, va-t'en chez vous, François, étends ton hamac, couche-toi dedans et je vais prendre soin de toi. C'est pour ça qu'il dit là. C'est pour ça qu'il dit là. Non, si ça t'a pensé, je vais te dire tout de suite, c'est pas ça qui passe. Je l'ai déjà dit ça un jour, je lisais ça, ce passage-là. J'ai décidé, j'étais chez nous en campagne, on était à Saint-Rémy sur notre petite ferme dans ce temps-là, et j'ai bâti 15 cabanes d'oiseaux à peu près. Je les ai mis dehors, partout. Ça grange, chez poteaux, partout, j'en ai mis. Et je vais regarder les oiseaux, parce qu'ils disent, regardez les oiseaux du ciel, mais regardez les oiseaux du ciel. On en tire une leçon. Je me suis assis dans la balançoire chez nous, je passais ma journée, là, des grandes parties de la journée. Je regardais les oiseaux, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et au bout de 3 jours, je me suis aperçu qu'ils travaillaient comme des damnés en québécois. Ils se levaient le matin, juste avec la clarté du soleil, et ils se mettaient à travailler. Ils travaillaient, mon gars, comme des défauts, et puis ils se battaient pour défendre l'Uni, puis ils travaillaient fort. Puis là, ils nourrissaient les petits oiseaux, puis ils nourrissaient les petits oiseaux, puis les petits oisillons, là, puis ils travaillaient fort. Mais quand ils se couchaient le soir, il dormait. Puis il n'y avait pas de réserve pour le lendemain. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne. Ne te tracasse pas pour demain. Ne te tracasse pas pour demain. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Ne te tracasse pas pour demain. Mais vous avez entendu, des fois on entend en télévision, ceux qui ont mis des grosses montants d'argent dans des affaires, du coup ça disparaît tout, hein? Comme eau au soleil, comme vapeur au soleil. Hop, quelqu'un les a fraudés, ils ont tout perdu. Ne te tracasse pas. Ça ne veut pas dire d'être pas sage, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On travaille. On fait ce qu'on a à faire pour gagner notre vie, on travaille. Et là, mais on ne s'inquiète pas pour demain. Si demain, on l'a, on y va, on continue. Si on n'en a pas, ben on vit avec ce que Dieu nous a donné. Si ça disparaît, si demain matin, il passe un ouragan, puis il fauche toute la ville de Mont-Tremblant, puis on perd tout ce qu'on a, on dit merci Seigneur, puis on continue à vivre, puis on glorifie le Seigneur quand même. On ne s'inquiète pas, parce qu'on ne sait pas ce que demain va emmener. Puis même si vous inquiéteriez, il dit, ça ne change absolument rien. Ça va venir pareil. Ça va arriver pareil. Tu as peur de la tempête, mais ça ne change rien, elle ne disparaîtra pas. Elle va venir pareil, la tempête. Tu as peur de la maladie, ça ne change rien, elle va venir pareil. Fais tout ce que tu peux pour être malade. C'est vrai, fais tout ce que tu peux pour être malade. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il dit, si tu t'inquiètes, c'est un manque de foi en moi. Jésus dit, dans le royaume des cieux, il va falloir vous embarquer là-dedans et que vous inquiétez, non pas pour les trésors de ce monde, mais pour les trésors célestes. Parce qu'il ne dit pas de ne pas accumuler. Hein? Dieu dit au verset 18, il dit, au contraire, il dit, amassez-vous des trésors, pas des trésors sur la terre, mais il dit, amassez-vous des trésors où? Il dit, je veux vous inquiéter, mais inquiétez-vous pour la bonne affaire. Inquiétez-vous de ramasser des trésors dans le ciel. Là, il dit, si tu t'amasses des trésors dans le ciel, ton cœur va être où? Dans le ciel. Parce que ton trésor est là. Donc, tu vas penser au ciel, tu vas réfléchir au ciel, tu vas vouloir faire des choses pour le ciel parce que ton trésor est dans le ciel. Et ton œil va voir clair parce que vu que tu penses aux choses du ciel, ton œil va être en bon état et tu vas voir clair spirituellement. Tu vas comprendre les choses spirituelles. Puis il dit, Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi. Moi, je crois personnellement, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu ne changeras pas le plan de Dieu pour ta vie qui s'en vient. Le plan est déjà établi de la vie de Dieu pour ta vie. Dieu a déjà fait un plan pour ta vie. Tu ne le changeras pas. Ce n'est pas par tes inquiétudes que tu vas changer ce plan-là. Non, ça ne change rien. Dis, inquiète-toi pas de ça. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu peux faire, sois intelligent, sois sage, calcule, regarde bien, regarde les montants d'intérêt, regarde, paye moins cher d'intérêt que tu peux. C'est correct, c'est tout correct ces affaires-là. Fais ce que tu veux, mets-toi un peu d'argent de côté si tu veux t'acheter ta maison, fais ceci si tu veux faire ça, prévois pour tes affaires. C'est normal ça, c'est correct. Mais quand tu te couches le soir, tu ne t'inquiètes pas pour demain, tu t'inquiètes du Seigneur et tu t'inquiètes d'avoir plu, si je peux dire le mot, à ton Dieu, d'avoir servi ton Dieu, d'avoir glorifié ton Dieu à travers tout ça. Et c'est ça que tu t'inquiètes. Lui va prendre soin de toi demain. Attention, ce qu'il y a pour toi demain, ce n'est peut-être pas ce que tu voudrais avoir demain. Attention là, faut pas, il n'a pas dit demain, fais-toi pas, demain ça va être un petit paradis pour toi. Non. C'est pas ça qu'il dit ici là. Il ne dit pas ça là. Il va prendre soin de toi. Fie-toi à moi, fais-moi confiance. Ce que j'ai pour toi en réserve pour l'avenir, fais-moi confiance, je vais le faire pour ton bien, le mieux que c'est pour toi, je vais faire ce qui est parfait pour toi. Vas-y, fais-moi confiance. Ça s'apprend un aide divine pour faire ça. Moi, des fois que j'entends des gens me dire, moi, je ne m'inquiète pas pour l'avenir, je me dis, t'es menteur. L'être humain, c'est un être, est inquiet de par nature. À cause qu'il est pécheur, il est inquiet. Quand Jésus a dit ici à ses hommes, à ses femmes, sur la montagne de Béatitude, sur la montagne, là, sur le bord de la mer, de Galilée, puis il lui a dit, « Ne vous inquiétez pas! » Il me semble que j'ai la réaction, c'est ben, « Je ne suis pas capable. » Il me semble que c'est ça qu'il voulait qu'on dise. « Je ne suis pas capable, je m'inquiète, je suis anxieux de par nature, je m'en fais des ulcères d'estomac, ou de peu importe ce que vous avez. » L'inquiétude, ça se manifeste de différentes façons, hein? Bien des façons, ça se fait. J'entends des fois des chrétiens prier et dans leur prière, ils manifestent leur inquiétude. Ils sont tellement inquiets, ils vont prier pour que Dieu règle ça. Et la prière ne manifeste pas de la foi, manifeste plutôt de l'inquiétude qu'ils ont face à l'avenir. Au lieu d'accepter ce que Dieu va emmener, ils veulent dire à Dieu quoi faire demain. Parce qu'ils sont inquiets. Ils ne sont pas sûrs de ce que Dieu va faire. Mais en cas que tu ne décides pas la bonne chose, je vais te dire quoi faire, moi, demain. J'ai peur. Puis demain, il y a une orage, donc... Laissez Dieu s'occuper de demain. On a plein notre capot, plein notre chapeau de faire aujourd'hui. Il s'occupe d'aujourd'hui. de s'inquiéter pour Dieu aujourd'hui, de s'inquiéter pour les choses du royaume aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit de faire ici? Il dit, cherche d'abord le... Ça veut dire quoi? Cherche le ciel? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Cherche d'abord le royaume de Dieu et moi je vais prendre soin de toi. Le royaume de Dieu, ça veut dire, prends-moi pour ton roi. Fais de moi ton Dieu, ton maître, ton Seigneur, et je veux prendre soin de toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, cherche d'abord le ciel, puis je vais te combler de bénédictions sur la terre. C'est pas ça qu'il dit pantoute. Il dit, cherche que moi je règne dans ta vie. Je vais être ton roi. Et un roi devait prendre soin de ses sujets, devait prendre soin de son royaume. Et quand Salomon est devenu l'homme, le roi le plus riche de toute la terre, je vous garantis qu'Israël était le peuple le plus riche de toute la terre aussi. Ce qu'on lit dans les livres, qu'il s'était tellement riche que les gens, au temps de Salomon, laissaient tomber l'argent à terre et ramassaient juste l'or. L'argent, c'est tout le monde. Tout le monde était riche. Il n'y avait pas juste Salomon de riche. Salomon, en tant que roi, avait déversé sur le peuple aussi sa richesse. Il a changé à la fin de sa vie. Il a fait d'autres choses qui étaient mal, mais c'était ça, un bon roi, c'est ce que ça faisait. Puis Jésus dit, moi étant le roi de ce royaume-là, que tu cherches, que tu veux avoir, moi je vais te bénir, je vais prendre soin de toi, c'est mon rôle de prendre soin de toi dans ce royaume-là. Ne t'inquiète pas, dit-il. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de toi. Et toi, inquiète-toi de me servir. Inquiète-toi de me glorifier. Inquiète-toi de vivre pour moi. Moi, je vais prendre soin de toi. De la façon que je veux. Tu me fais-tu confiance? Avez-vous déjà dit ça à vos enfants? J'ai déjà dit ça à mes enfants. Fais confiance à papa. Fais-moi confiance. Là, je le voyais bien dans leur face qu'ils hésitaient à me faire confiance, puis avec raison, avec raison. Mais vous avez dit ça, hein? Puis Dieu nous regarde et dit, « Inquiète-toi pas, François. Je m'inquiète pour demain, c'est moi qui vais faire ça. Aujourd'hui, fais ce que tu peux. Du mieux que tu pourras, avec la capacité que tu as, avec les talents que tu as, avec les dons que je t'ai donnés, fais ce que tu as à faire, mais ne t'inquiète pas pour demain. Je m'en occupe, moi, de ça. » Là, on parle du côté financier ici, monétaire, là. Mais on pourrait appliquer la même chose spirituelle, vous savez. La même chose de façon émotionnelle ou psychologique, que c'est la même affaire. Dieu va prendre soin de nous demain. Pas juste financièrement, hein, on sait bien. Il va prendre soin de nous dans tous les domaines de nos vies. Il va prendre soin de nous. Quand j'avais fait cette étude-là, j'avais été sur Internet, j'avais cherché inquiétude et solution à l'inquiétude, c'est vraiment spécial, tout ce que vous allez voir sur Internet, je parle de ça. Et là, vous avez des psychologues qui écrivent des articles sur l'inquiétude. Pas un a parlé de Dieu, bien entendu. Pas un a mis comme solution, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Il n'y a personne qui a écrit ça. Jésus dit... Si tu ne veux pas t'inquiéter, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est tout ce que je te demande, fais-moi confiance. Et si quand on a confiance en Dieu, automatiquement, on va avoir aussi confiance en l'avenir, parce que l'avenir est dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu. Je le répète, ça ne nous enlève pas nos responsabilités. Et des fois, on va prier dans nos vies de prière, on va prier, puis on voudrait relancer sur Dieu nos responsabilités. Dieu ne les prend pas. Je m'excuse, Dieu ne les prend pas. Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu t'assis chez vous, tu ne travailles pas, demande-moi pas de nourrir, je ne te nourrirai pas. Il ne prend pas notre responsabilité. Des fois, on voudrait que lui prenne nos responsabilités. Je me souviens d'une fois qu'on avait jasé avec un des parents. Je me dis, écoute, si, prie pas pour que tes enfants marchent avec Dieu. Il va falloir que tu fasses de quoi, toi, pour qu'ils marchent avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour que tes enfants marchent avec Dieu? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Quel exemple tu leur donnes? Est-ce que tu fais ce que tu as à faire, toi, pour que tes enfants marchent avec Dieu? Si oui, inquiète-toi pas. Mais reste inquiète-toi. Fais ce que tu as à faire, toi. donne leur exemple, enseigne-leur, parle-leur de la parole de Dieu, montre-leur c'est quoi de vivre sans inquiétude. Fais ce que tu as à faire. Puis tes enfants vont voir. Puis tu ne peux pas faire plus que ça. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme moi en tant que parent. Des fois, on s'inquiétait pour le salut de nos enfants. Ils vont-tu être sauvés? Ils vont-tu être sauvés? Ils vont-tu être sauvés? Ils vont-tu être sauvés? Puis là, ils sont rendus à 25 ans, ils ne sont pas encore sauvés. Ils sont rendus à 28 ans, ils ne sont pas encore sauvés. Est-ce qu'ils vont-tu être sauvés? Ils vont-tu être sauvés? Jésus, ne t'inquiète pas pour ça. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui avec eux autres. Aime-les. Fais ce que tu as à faire avec eux autres. Et ne t'inquiète pas pour demain. C'est entre mes mains, cette affaire-là. Et c'est ça qu'on appelle, dans le royaume, c'est comme ça qu'on doit vivre. Une vie de confiance dans la personne de Dieu. Donc, ce que Jésus est en train de dire au peuple, êtes-vous prêt à venir et mettre votre vie dans les mains de Dieu et que vous allez lui faire confiance? Vous me pardonnerez mon âge qui avance. Je ne sais plus des fois si je vous ai conté certaines histoires ou pas. J'ai déjà conté l'histoire du... qui ont demandé à deux peintres de peindre un portrait, de faire une peinture de la paix. Comment ils voyaient la paix? Quelqu'un qui ne s'inquiète pas, quelqu'un qui est en paix. Fait qu'un des peintres a fait une petite maison dans une prairie où est-ce qu'il n'y a pas de bruit, des petits oiseaux, un petit vent calme. Il y a une petite chaise, une chaise berceuse là, sur la galerie, puis un petit vieux assis sur la chaise. Qui se barre. La paix. On dit en québécois, la sainte paix. L'autre peintre, lui, a fait une peinture sombre et une grosse chute qui tombait, puis la chute, de la façon qu'elle tombe, on entend presque le fracas, le bruit infernal. Et là, il y a des éclairs dans le tonnerre, puis des gros nuages, puis c'est une grosse orage. Puis il y a un arbre sur le bord de la rivière, puis l'arbre est au-dessus de la rivière, puis au bout de la branche, de la dernière petite branche, il y a un petit nid d'oiseau, et dans le petit nid d'oiseau, il dort. Il dit, ça, c'est la paix. Ça, c'est la paix. L'autre, c'est pas la paix. Pour lui, c'est la seule paix. Dans les moments les plus sombres de la vie, quand on a confiance au Seigneur, on peut dormir, même si l'orage est là. Même si l'orage est là. Et nous, que vous voulez ou que vous ne voulez pas faire ça, vous et moi, on vit dans un monde qui est en orage. On vit dans un monde qui est perturbé, un monde qui est en guerre, un monde qui est en vol, qui est en viol, qui est en tout ce que vous voulez. On vit dans un monde, et que vous voulez, vous ne voulez pas, on est influencé, on écoute les nouvelles, on écoute ici, on est là, on en parle avec les gens. Et on est tellement inquiet, on a tellement peur de toutes ces affaires-là qu'on entend jour après jour après jour. On a tellement peur des gens, des voisins qui nous volent. Je ne me souviens toujours une fois, je m'en allais. J'ai tellement peur des gens autour de moi que j'attache mon bicycle après le poteau de téléphone quand je débarque. J'ai peur qu'ils me le volent. Vous voyez, ça, c'est de l'inquiétude. C'est pas que c'est pas sage, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça reflète que les gens autour de nous, on ne les trace pas, ces gens-là. On barre notre maison par dehors, maintenant par dedans aussi. Hein? On rentre dans la maison, on barre la porte. On a tellement peur que quelqu'un rentre sans qu'on lui donne la permission qu'on barre la porte pendant des fois. Un, deux, trois crochets. Hein, on voit ça des fois. Les gens, on a peur. Parce que le monde dans lequel on vit est un orage constant. Puis on entend dire, hein, les gens, telle personne s'est fait tuer, l'autre a tué sa femme et ses enfants, puis l'autre s'est suicidé, puis l'autre a fait ci, puis l'autre a foncé sur l'autre. Puis on entend tellement de choses négatives que le monde nous stresse bien. Dieu dit, si tu veux te coucher le soir dans ce foutu monde dans lequel tu vis, qu'un jour je vais changer, un jour je vais en faire un paradis, il dit, fais-moi confiance, puis dors sur tes deux oreilles. C'est ça que ça veut dire. Fais-moi confiance, et dors sur tes deux oreilles, je prends soin du lendemain. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de voir ta porte. Bon, ta porte, si tu veux, c'est pas grave. Mais ça veut dire que je me couche, puis je fais confiance, non pas à mon loquet de porte, mais je fais confiance au Seigneur aussi, là-dedans, à quelque part. Prions ensemble, Seigneur. Notre Père du ciel, c'est donc merveilleux d'entendre de ta propre bouche. Ne t'inquiète pas, François. Parce que tu le dis à chacun de nous ce matin, peu importe. Il faut l'appliquer à chacun de nous. Si on fait juste le lire, ça n'a pas d'impact. Ne t'inquiète pas, François. Je prends soin de toi. Hein, Seigneur, ça devrait nous suffire. Mais il y a bien des fois que, à cause de la chair qui est encore en nous, on doute, Seigneur. Mais on te fait confiance que tu nous as promis que tu vas nous emmener jusqu'à la fin. Que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la rendre parfaite pour le jour où on va te rencontrer. Au moins, on te fait confiance pour notre salut. On n'essaie plus de se sauver soi-même. On se confie en Jésus seul. On ne fait plus de sacrifices pour que tu nous acceptes. On ne fait plus de prières afin que tu nous sauves les morts ou quoi que ce soit. On a arrêté ça. On te fait confiance. Aide-nous à te faire confiance de la même manière pour notre vie ici-bas. Qu'on vive comme des hommes et des femmes intelligentes et sages, mais aussi comme des gens qui vont démontrer qu'ils ont foi dans le Dieu qui a créé ce monde. Non pas parce qu'on veut paraître bon ou fin, non pas parce qu'on veut être aimé par toi, mais on veut te glorifier. En le faisant, ça va te glorifier. Nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va chanter le dernier cantique, si vous voulez bien vous lever.